Ce vendredi, à la vie en BD, des vampires, un mammouth et des commentaires BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour parler bande dessinée comme à tous les vendredis. Toujours un plaisir évidemment de vous retrouver sur les ondes du 89.1 CKRL. En vous rappelant également que La Vie en BD est disponible en balado diffusion. Vous pouvez trouver d'ailleurs l'ensemble des archives de nos émissions des trois dernières années sur lavieenbd.wordpress.com. Et ben dans l'émission de cette semaine, une belle variété en termes de style, en termes d'ambiance. On va aller faire un petit tour du côté de la littérature jeunesse, rencontrer l'illustrateur et auteur Pichier avec Mon Mammouth et moi. Donc son premier livre jeunesse d'ailleurs à titre d'auteur et d'illustrateur. Évidemment, on le connaît, on voit son travail assez large, notamment du côté de l'illustration jeunesse, plusieurs dizaines de livres à son actif de ce côté. Donc quelle est son expérience en tant que scénariste pour la première fois? Et ben on en parle avec lui en deuxième partie d'émission. Également, tout à l'heure, on aura l'occasion d'échanger autour du livre Les Cousines Vampires de Caton et d'Alexandre Fontaine-Rousseau, une publication toute récente des éditions Pow Pow, et un livre qui s'amuse à s'amuser avec les codes du genre horrifique, les codes du film de vampire, également en allant puiser un peu dans la culture cinématographique des années 30, des années 20. En termes de cinéma d'horreur, évidemment. Alors, on en parle tout à l'heure avec les auteurs. Et sinon, des commentaires BD également cette semaine. Stéphane Gravel va être de passage. Également, retour de notre collaboration avec Marco Duchesne, qui est libraire spécialisé en BD chez Pantoute. Alors, on aura l'occasion avec eux de passer en revue plusieurs titres assez récents. Alors ça, c'est le menu pour cette semaine. Et sinon, ben, je me permets de vous mentionner également au passage, puisqu'on s'approche quand même un peu de la fin de l'année, veux pas, là, à Québec, pas mal de neige sur les chaussées. On commence donc tranquillement à se préparer pour les palmarès, les grands prix et le reste. Et le premier en lice, eh ben, c'est les 15 incontournables de 2014, selon l'Association des journalistes et critiques de bande dessinée, dont j'ai l'honneur de faire partie d'ailleurs. Alors c'est un peu la première étape, dans la mesure où... Donc, les 79 membres de la CBD ont été appelés à soumettre leur titre coup de cœur pour l'année. Donc, ça a fait une première liste d'un peu plus d'une centaine de titres. Et à partir de cette liste-là, eh ben, les critiques et journalistes de BD ont été invités à donc sélectionner et donner un pointage, dans le fond, aux différents titres. Et ce qui a donné donc une première liste de 15 titres. Cette liste-là va être débattue du côté du Festival de Blois à la fin novembre. Et de cette discussion-là, aura une liste de 5 titres qui va en émaner. Et ensuite, ben, les 79 membres seront appelés une nouvelle fois à voter, à choisir leur titre favori, leur coup de cœur parmi cette liste de 5-là. Et de là viendra donc à ce grand prix de la critique. Alors... Donc, on est dans le détail. Évidemment, qu'est-ce qui en ressort pour l'instant? Ben, une liste de 15 incontournables. C'est comme ça que je l'ai appelé dans mon blog. Je pense que c'est le cas. C'est des titres qui valent tous largement la peine d'être lus. J'y vais en rafale. Donc, Ama, tome 4, Tu seras merveilleuse, ma film de Frédéric Peters. L'Arabe du futur, Une jeunesse au Moyen-Orient de Riyad Satouf. Blast, tome 4, Pourvu que les bouddhistes se trompent de Manu Larsenet. Charlie Neuf de Richard Guérineau. Cœur glacé de Joanne Demour et Gilles Dalle. Docteur Radar, Tueur de savants de Frédéric Bézian et Noël Simsolo. Love in Vain, Robert Johnson, 1911 à 1938 de Mezzo et Jean-Michel Dupont. La Lune est blanche d'Emmanuel et François Lepage. Moi, assassin de Keiko et Antonio Altariba, dont on reparlera d'ailleurs un peu plus tard dans l'émission. Moby Dick, tome 1 et 2 de Christophe Chabouté. Rouge comme la neige de Christian de Metter. Ulysse, les chants du retour de Jean Aramba. Les vieux fourneaux, tome 1 et 2 de Paul Covet et Wilfried d'Astrid Lupano, La vision de Bacchus de Jean Dittard et enfin Voix de la nuit par Uli Lost d'après Marcel Beyer. Alors une belle sélection. Si vous voulez avoir les titres, vous n'avez probablement pas eu le temps de tous les noter au moment où je vous parle. Ben allez faire un tour sur mon blog, donc voir.ca/Raymond-Poirier. Les 15 titres y sont affichés. Alors voilà pour ces petits clins d'œil. Et en musique cette semaine, on reste dans la 8-bit, la formation qui nous accompagne. Eh bien, elle s'appelle Talkboy Arcade, tirée de leur EP Lépidoptera. On écoute donc un premier extrait à l'instant. Vous êtes toujours à l'écoute de La vie en BD sur les ondes du 89.1 et ben ma foi c'est un titre qu'on aurait pu et qu'on aurait peut-être dû parler en octobre, mais bon en même temps j'ai pour m'en dire qu'il n'y a pas de mauvais moment pour plonger dans l'univers du répertoire horrifique, que ce soit littéraire ou cinématographique. Une nouvelle contribution donc qui est arrivée il y a quelques semaines de ça du côté des éditions Papaw, ça s'appelle Les cousines vampires, un livre d'Alexandre Fontaine Rousseau et de Caton, et les deux sont avec nous au bout du fil pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors, peut-être la question de base, là, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste du vampire? Pourquoi leur consacrer un livre? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette figure-là? Peut-être que je laisserai répondre Alexandre pour ça, parce que c'est lui qui a eu l'idée à la base. Ben oui, en fait, comme Catherine fait remarquer, c'est moi qui ai eu un petit peu cette idée-là. J'ai demandé si j'avais la permission de lui écrire une histoire de vampire, parce que je le savais que moi, je pourrais écrire un scénario assez rapidement, mais qu'elle, ça serait quand même, ça la sortirait un peu de sa zone de confort au niveau du dessin, que ce serait quand même un travail un petit peu exigeant au niveau des atmosphères, tout ça. Mais c'était un peu, l'idée, c'était, j'ai vu énormément de films de vampires dans ma vie. J'ai vu tout ce qui est film de Jean Rollin, aussi toutes les productions de la Hammer, qui est une maison de production britannique qui a fait beaucoup de films dans les années 50, 60, 70. Ben on dirait que quand on consomme énormément d'images, on a toujours un petit peu le goût de se les réapproprier, puis pour se les réapproprier de réécrire quelque chose. Puis là, je me suis dit, il y a peut-être comme une histoire que je pourrais raconter qui serait pas une histoire qui a déjà été racontée, même si il y a un nombre incalculable de films autour de la mythologie vampirique. Puis c'était aussi l'idée peut-être de faire, en faisant un livre, je pense que moi et Catherine, on n'a pas la sensibilité typique de la bande dessinée dite de genre. Fait que de se réapproprier un peu ce genre-là puis de l'apprêter à notre manière, je trouvais que c'était quand même un exercice intéressant. Oui, puis en même temps, en fait, tu mentionnais le fait que c'est des codes que tu connais. En fait, le cinéma d'horreur, t'en as visionné beaucoup. Bon, t'es critique cinéma aussi en parallèle pour plusieurs magazines. Donc le défi un peu quand on se lance dans un exercice comme ça où on réinterprète, on s'approprie des codes, ben c'est qu'il faut les maîtriser au départ pour bien les détourner, pour le faire avec intelligence, là, au bout du compte. Oui, évidemment, c'est sûr que il faut connaître un petit peu. Après ça, je pense pas que dans Les cousines vampires, il y a un travail sur les codes du genre, mais tu sais, en même temps, c'est pas toujours calqué sur les, mettons, les schémas narratifs hyper classiques, là. Moi, je pense que il y a peut-être plus au niveau de l'esprit, il y a quelque chose qui ressemble à ça aussi. Je citais les films de Jean Rollin. Jean Rollin, c'est toujours des films, des histoires d'initiation un peu. L'initiation au vampirisme puis tout ça. Puis je pense que en partant de cette atmosphère-là. On peut, tu sais, sans toujours jouer au jeu des codes, là, qui, ça m'intéresse, mais c'est pas exactement ça que j'ai voulu faire en écrivant Les Cousines Vampires. Je voulais plus rendre une sorte d'hommage à l'esprit, à l'atmosphère de ces films-là. Tu sais, j'écrivais certains dialogues. Il y a certains moments où les dialogues sont un petit peu plus lyriques. J'ai quasiment l'impression de les avoir écrits en pensant à la narration puis à la manière de parler particulière, un petit peu hypnotisée, un petit peu somnambule des actrices de Jean Rollin, par exemple. Puis je rajouterais peut-être que, en fait, ce qui est drôle, c'est que le scénario est vraiment calqué, est vraiment inspiré de ce genre de film-là, mais moi, j'ai même pas encore regardé un Jean Rollin à date, là. Comme quand Alexandre m'est arrivé avec cette idée-là, moi, j'avais déjà écouté des films, évidemment, des films d'horreur. Là, on a regardé ensemble une couple de films de la Hammer, mettons, puis tout ça, puis je me suis rendu compte que j'avais pas tant besoin de regarder de ce genre de film-là, tu sais, pour avoir une idée de des codes de genre, tu sais, on en sait plus qu'on pense finalement, on a plus d'images en tête que ce qu'on pense, puis ça m'a aidé, c'est sûr, pour certaines affaires, mettons, avec lesquelles je suis pas tout de suite à l'aise, des jeux de lumière, des ambiances, pour me donner des idées, mais ça m'a quand même surpris à quel point ça m'allait plus que je pensais finalement. Oui, et d'ailleurs, Caton, tu mentionnes les ambiances, c'est quelque chose qui est très très présent justement dans le livre, au niveau des éclairages, au niveau de la manière dont on présente les lieux. On a l'impression que d'un côté on est vraiment en plein film d'horreur noir et blanc, un peu vieille école, mais en parallèle il y a aussi des touches de modernité qui viennent nous rappeler qu'on est à l'époque actuelle aussi dans ce récit-là. Oui, ben c'est ça qui est le fun en fait, c'est que habituellement je suis plus, mettons, dans l'humour. On dirait que, par exemple, dans mon premier livre que j'avais fait avec Iris, la liste des choses qui existent, c'était vraiment... on s'est concentré plus sur le récit, les blagues qu'on voulait faire, les références, mettons, à la culture populaire, mais le dessin, c'était, ça passait un petit peu en deuxième, là. Mettons, je mettais pas toute la gomme, alors que là, j'ai comme voulu vraiment, tu sais... essayer de donner, c'est un peu nécessaire de faire des ambiances de toute façon pour ce genre d'histoire-là, puis ça m'a fait, on dirait que ça me faisait penser des fois à la peinture, là. J'étais vraiment, j'aime beaucoup peindre habituellement, puis là, on dirait que je retrouvais ça, tout est fait au crayon de plomb, mais je pouvais vraiment avoir ce plaisir-là de jouer avec la matière en plus de comme continuer avec l'humour puis les expressions. C'est drôle que tu dises que on voit que c'est moderne. Oui, il y a une modernité, mais même cette modernité-là est comme un petit peu difficile à définir dans la mesure où l'héroïne, je veux dire, elle écoute des cassettes. Tu sais, il y a un magnétophone à cassette dans sa voiture. Fait que déjà là, on est peut-être dans une autre époque. Après ça, elle écoute un hit de S Club 7. Là, fait qu'on se dit que est-ce que c'est vraiment maintenant que ça se passe ou c'est pas plutôt il y a 10 ans. Je sais pas. Je voulais pas que l'époque soit vraiment clairement définie. Je voulais que ce soit comme une espèce d'entre-deux où, premièrement, oui, elle vient d'un certain contemporain, puis elle débarque dans une place où tout d'un coup, tu as l'impression que elle revient 50, 60, peut-être même 100 ans en arrière, des fois, quand on regarde la manière dont les villageois vivent. Puis je voulais que ce soit quand même une époque pas certaine. Tu sais, je voulais que ce soit... Et puis à travers, en fait, autant le récit que la mise en image du récit, on accentue aussi, ou on s'amuse beaucoup avec le décalage entre les deux cousines, justement, la cousine vampire et l'autre, les deux univers qui viennent, je dirais pas se confronter, mais se côtoyer de manière assez rigolote aussi, somme toute, là. Ouais, ben c'est toujours amusant d'avoir ce genre de dualité-là. C'est sûr, mettons, j'ai l'impression que dans nos deux, ben dans les livres qu'on a fait avant nous deux, il y avait un peu ça. Par exemple, les bandes dessinées d'Alexandre, il y avait toujours le personnage, mettons, qu'il représentait versus le personnage François, l'autre auteur. Puis moi aussi, la même chose avec Iris. C'est drôle de pouvoir faire des rebondissements entre deux personnages différents qui peuvent se confronter. Je pense que c'est comme ça qu'Alex écrit de toute façon. Et puis ça devient un moteur pour le récit, justement, parce que c'est avec cette différence-là qu'il y a une certaine action, qu'il y a de l'événementiel qui survient, ou un regard sur l'événementiel qui est porté. Oui, puis à la limite aussi, c'est une bonne manière pour moi de structurer l'humour, dans la mesure où je trouve qu'il y a des jeux de rythme à faire entre le langage assez soutenu de Frédéric, la vampire. Puis après ça, on peut tu sais, toujours faire un genre de contretemps humoristique en changeant subitement de registre un petit peu un ton un petit peu plus populaire, un petit peu plus moderne, un petit peu plus naïf du côté de Camille. Puis je pense que de jouer sur ce genre de jeu d'échanges verbaux puis de changement de registre, ben c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup. Tu sais, je me rends compte que souvent, même quand je faisais des trucs avec François, la manière de structurer les blagues, c'était souvent d'avoir un registre assez soutenu, puis là, tout d'un coup, une chute qui est dans un style vraiment plus bref, là. Mm-hmm. En tout cas. Oui, puis en même temps, même dans l'esthétique aussi, on joue un peu avec ça. On parlait des films de vampires années 30 ou Hammer. Ben, Frédéric la vampire est vraiment à fond là-dedans, mais l'autre héroïne, elle appartient à un autre genre aussi. Mm-hmm. Dans le fond, c'est elle qui est un peu l'intruse dans ce style, dans cet univers-là, en termes de ce qu'elle porte, puis de l'imagerie qui est associée à ce personnage-là. Oui, c'est vrai. C'est plus quand on est autour d'elle, on dirait que tout d'un coup, c'est là que les choses, c'est les petites twists d'humour, mettons, visuels arrivent, puis tout ça. Là, fait que... Mais il y a une, en fait, c'est la première fois que j'y pense, mais il y a un livre de Mathieu Sapin qui est une adaptation de Jules Verne que je trouve quand même assez drôle, qui est le Docteur Ox. Je me rappelle plus du titre au complet, mais où justement c'est l'histoire d'une petite fille qui arrive, une petite fille moderne qui arrive dans un village où tout fonctionne comme à l'époque de Jules Verne, puis il y a comme un effet humoristique. Tu sais, elle a des jeux vidéo, puis les gens vivent à tellement un autre rythme de vie qu'ils sont absolument pas capables de suivre le rythme des jeux vidéo auxquels elle joue, puis des trucs comme ça. Puis dans le fond, c'est un petit peu ça, là. C'est l'espèce de clash entre la modernité. C'est ça. En fait, elle débarque un petit peu dans un film qui est pas le sien, si on veut. Et à travers ça, le rythme que vous avez choisi de mettre au récit est assez rapide, aussi assez direct. On passe d'une séquence à l'autre. C'est un choix que vous avez fait, dans le fond, que ça soit quand même assez rapide, assez bref, assez... Mais j'ai l'impression que les films que j'ai regardés, en tout cas de la Hammer, j'ai l'impression que c'est tout le temps un peu ça, là. C'est comme, de ce que je me rappelle, ça dure comme... une heure et quart, puis il se passe ça, puis tout après ça, puis là, c'est fini. Puis là, droit au but. C'est comme action-packed un peu, là. Mm-hmm. Puis c'est le fun. On voulait vraiment que c'est une histoire qui coule. Je pense que c'est un des bons points, des bons points du livre, je pense. Oui, puis c'est sûr que il y a quelque chose dans l'idée de narration où, tu sais, je pense que oui, il y a quand même des endroits où on peut, à la limite, le lire assez lentement si on veut, parce qu'il y a des segments qui sont des segments muets qu'on peut soit lire vraiment rapidement, soit on peut vraiment s'installer. Puis je pense que le dessin de Catherine, ben, il laisse quand même de la place au regard, là, pour qu'on le regard puisse s'installer. Fait que pour moi, il y a comme plusieurs lectures dans ce livre-là. Il y a une première lecture où oui, c'est vraiment hyper rythmé, puis c'est l'idée, là, c'est que les transitions soient quand même toujours un petit peu, on termine une scène, puis on embarque dans l'autre toujours assez rapidement, puis c'est pour en revenir à l'idée de montage, c'est souvent de cinéma, ben, c'est souvent des coupes franches, puis c'est pac, puis le film avance à un gros rythme, tout comme le livre avance à un rythme assez rapide. Mais en même temps, je trouve que le dessin de Catherine, ben, il y a cette densité-là, d'une certaine manière, qui fait qu'on peut aussi le lire de manière assez contemplative, dans le fond, ce livre-là. Ou en tout cas qu'on ait envie de le relire après pour regarder les images, peut-être. Mm-hmm. Oui, parce qu'en même temps, étant mis quelques images sur ton blog aussi, Catherine, il y a quand même eu un bon travail de découpage de faits avant, justement, d'en arriver au dessin pour planifier les plans, mettre en scène les ambiances, etc., les éclairages. Oui, c'est la première fois, en fait, que j'avais à faire un aussi gros travail de découpage. Là, avant, je pouvais un peu travailler sur le coin de la table, tu sais... On s'entend que la liste des choses qui existent, c'est comme divisé, la manière que c'est fait, c'est divisé comme en chronique sur des objets. Fait que, tu sais, je peux m'asseoir, découper 6 pages, les faire, c'est fini, bing bang, j'ai fait ça en 1 ou 2 jours. Alors que là, c'est vraiment un travail comme de longue haleine, puis si je voulais que tout fitte ensemble, c'est de la prévision à l'avance, là, qu'il faut faire. Puis, en fait, ça rend ça plus intéressant. J'ai comme changé ma méthode de travail, puis j'ai appris vraiment d'autres choses, mais... j'avais pas vraiment le choix de faire ça. Et est-ce que ça a été fait vraiment à 4 mains ou vraiment plus divisé côté scénario, côté dessin? Ah, c'était assez divisé, là. En fait, moi, c'est la première fois que je travaillais comme ça aussi. Alexandre, avec François, c'est un peu ça. C'est vraiment, il y a eu une première partie d'écriture. Alexandre m'a fourni un scénario, puis après ça. Mais c'est sûr que, c'est ça qui était le fun, c'est que vu qu'on est tout le temps pas mal ensemble, ben là, on a, tu sais, au fur et à mesure. On s'est pas séparés, puis j'ai pas dit « OK, dans 1 an! » On se parlait comme quand il y avait des choses que j'étais pas sûre, ou des fois, on a rajouté, par exemple, une scène. On a rajouté une scène au début, une scène à la fin pour allonger. Ça, c'était tout. Ça s'est fait au fur et à mesure. Puis c'est ça, d'une certaine manière, moi, il y avait déjà une certaine logique de découpage, dans la mesure où, je veux dire, les pages étaient déjà pas mal déterminées. Tu sais, je pense beaucoup à mes chutes de pages quand je construis un scénario. Mm-hmm. Puis après ça, j'ai tendance, c'est un petit peu peut-être des drôles de tics d'écriture, mais je je pense que quand on lit un scénario que j'ai fait, on voit s'il y a plus de phrases dans une phrase, ben nécessairement il va y avoir plus de cases, puis s'il y a moins de phrases, ben ça va probablement plus se transformer. Mais en même temps, c'est sûr que Catherine a fait un gros travail là, au niveau du découpage. Là. Je voulais aussi qu'elle ait la place pour jouer, là, puis que ce soit pas juste comme une commande, là, puis que ce soit plate pour elle là, d'exécuter ça. Là. Ça m'aurait un peu déprimé. Puis est-ce qu'on pense à un tome 2 ou ça va être un one-shot? En fait, je pense qu'Alexandre a des idées pour un tome 2, puis un tome 3, puis un tome 4. Un tome 2, puis un tome 3, ça, j'ai des idées. Là. Mais c'est sûr que quand lui fait un scénario, s'il se met, puis il fait juste ça, ça lui prend un mois, alors que moi, quand j'arrive pour dessiner, ça prend comme un an. Donc, il faut que je mette... Quand je vais avoir envie de faire un tome 2, il va falloir que je m'assoie, puis que ce soit juste ça. Mais c'est sûr que l'idée, c'était de faire un livre qui, je pense, fonctionne assez bien comme one shot, comme tu dis, mais qui a une fin assez ouverte, qu'on a l'impression d'avoir eu une petite aventure, mais qu'il pourrait y avoir évidemment quelque chose d'autre après. Là, je pense que la fin est là pour avoir cette ouverture-là, mais en même temps laisser sur un sentiment qui, je veux dire, si finalement il n'y avait pas de suite à ce livre-là, je pense que le livre tiendrait quand même la route en tant qu'objet tout seul. Alexandre Fontaine-Rousseau, Caton, merci beaucoup à vous deux. Merci. À la prochaine. Oui. Alors voilà, je rappelle, Alexandre Fontaine-Rousseau, scénariste, Caton, dessinatrice sur Les Cousines Vampires, livre qui est disponible du côté des éditions Pow Pow. Toujours avec la formation Tall Glory Arcade qui nous amène d'un segment à l'autre au fil de cette émission de la vie en BD. Et au bout du fil, on est rejoint par Stéphane Gravel. Bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, toujours avec nous évidemment pour partager quelques commentaires BD. Et là, il y a un gros morceau qui s'est terminé tout récemment. 9e tome de Magasin Général, dernier tome de l'incontournable série de Loisel et Trip. Et ma question, Stéphane, est-ce que ça finit bien? Est-ce que c'est à l'égal de la façon dont la série a commencé? Grand soupir. Grand soupir. Oui, c'est bon. C'est bon? Mais je sais pas si toi, tu as eu le même feeling que moi à travers la série Magasin Général, mais j'ai trouvé que c'était une série qui commençait très, très, très fort, et puis moi, j'ai senti qu'elle a diminué un petit peu en puissance, en cours de route. Là. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'on étirait un petit peu la sauce. Mais comme avec Charleston, l'album où il danse quasiment tout l'album, puis il se passe pas grand-chose. Moi, je suis pas contre qu'il se passe pas grand-chose. Les auteurs ont vraiment voulu faire des albums qui... ont voulu faire de la BD où dans laquelle il y a beaucoup d'atmosphère. C'est très atmosphérique. Mais... écoute, j'allais aimer le tome le dernier, mais je ne sais pas si j'aime toujours cette série-là comme je l'ai aimé au début. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a toute la notion de surprise qui est disparue au début les premiers Magasins Généraux sont sortis, c'était extraordinaire. On découvrait les personnages, il y avait des rebondissements. Juste le personnage de Serge était un personnage qui était extraordinaire. Maintenant, en cours de route. J'ai l'impression que ça s'est agrandi. Cette série-là, c'est qu'on a probablement demandé que ça dure plus longtemps parce que ça a eu un succès phénoménal. Je pense aussi que les auteurs avaient hâte de terminer cette série-là. Puis je suis pas sûr qu'ils l'ont terminée avec toute la liberté qu'ils avaient pour la terminer non plus. Ce qui fait que le dernier Magasin Général, c'est la suite. C'est la suite de Charleston. Là, on comprend pourquoi Charleston a existé dans la série. C'est-à-dire que c'est le côté de la, c'est la modernité qui s'en vient. C'est les personnages qui s'épanouissent. C'est les vieilles dames qui ont le goût de s'acheter une robe un petit peu plus chouette. C'est les bûcherons qui reviennent puis qui ont le goût de leur épouse, mais avec plus d'amour que d'envie. C'est bien sûr Marie qui va accoucher. C'est comme un grand banquet de Astérix, mais qui dure 90 pages. Okay. Oui, c'est bon, parce que les auteurs savent écrire, parce que les auteurs maîtrisent énormément la bande dessinée, parce que la mise en scène de Loisel est extraordinaire, le dessin de Tripp est accompli, parce que c'est une grande BD, puis que c'est une série qui, en soi, est très, très, très bonne. Par contre, je dois dire franchement que ça m'a donné le goût de relire la série dans son ensemble. C'est-à-dire que je serais curieux De voir comment ça se compose, là, ouais. Tout d'un bout, puis de sentir cette longueur-là, parce qu'elle n'est pas déplaisante, cette longueur-là. C'est sûr que quand on attend un album depuis un an, qu'on tombe sur Charleston et que ça ne fait que danser pendant, je sais pas moi, 60 pages, quand on arrive à la fin, ben, on aurait voulu avancer un petit peu plus dans l'histoire, parce qu'on cherche des dénouements. Mm-hmm. C'est pas une BD dans laquelle il y a énormément de dénouements. Mais c'est un beau volume, hein? C'est un volume de 92 ou 94 pages BD. Puis un petit complément avec des photographies, parce qu'il y a un des personnages qui prend des photographies tout le long de l'histoire, puis on voit des photos comme si on revenait en souvenir de la série. Donc ça reste chouette. J'oserais te dire que j'ai été sévère là. Oui, mais on peut se permettre, avec le début qu'ils nous ont donné, on peut quand même se permettre de l'être, mais ça reste une superbe série, du moins en fait dans les tomes, les tomes que j'ai eu l'occasion de lire puis de parcourir, c'est ça reste superbe. Là. Puis sais-tu quoi, puis je vais te dire un truc assez bizarre, c'est que je me rends compte de plus en plus que c'est le personnage de Serge par qui tout va passer, par qui tout le monde va s'épanouir et par qui tous les gens vont exister, vont délaisser la religion. Mais j'ai trouvé ça un petit peu j'ai senti pour la première fois, puis je ne sais pas pourquoi, le côté les Français débarquent et viennent nous apprendre à vivre. Pourtant, c'était bien clair avec les premiers, quand il arrive, puis il fait son restaurant, puis il fait sa petite bouffe un petit peu plus fancy. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que tous les personnages ont quelque chose qui a changé à cause de son influence. Puis ça, je me suis dit, bon, ben, peut-être que c'est un peu impérialiste à quelque part. Alors ça, c'est Magasin Général, donc tome 9 qui vient de paraître. Et Stéphane, il nous reste à peu près un petit 2 minutes pour porter un regard peut-être sur le tome 2 de Patchy. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Est-ce que le tome 2 est aussi bon pour suivre dans le rythme, l'ambiance, le mystère qu'ils ont réussi à mettre en place avec les premiers tomes? Malheureusement, pour toi, oui. Oui, c'est cette BD-là, moi j'adore Patchy, parce que c'est pour le diminutif de Pacifique. Écoute, le personnage est extrêmement intéressant, et là avec on apprenait à le découvrir dans le tome 1, on faisait un pas avec lui si on veut, parce qu'il reste un personnage qui est très mystérieux. Dans le deuxième, il est encore plus mystérieux parce qu'il y a encore d'autres éléments qui se greffent à lui. Il y a des voyages, il y a des personnages qu'il rencontre. On commence à comprendre certaines choses, mais pas trop encore. Mais c'est surtout le mouvement qu'il y a dans cette bande dessinée-là qui me fascine. Tout est en mouvement. Le dessin, il y a quelque chose de spécial qui fait que tout est en fluidité, je pense à une certaine vitesse. Lui, il aime les voitures, il aime aller vite, puis on le sent dans cette BD-là. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était ce tome 2-là. C'est difficile d'en parler parce que on sent vraiment que c'est un triptyque, hein? Ça veut dire que dans le tome 1, on avait tout le côté mystérieux du personnage et d'essayer de comprendre. Dans le tome 2, on a des trucs qui se placent. On est vraiment dans le nœud de l'histoire. Puis le tome 3, ben on va s'en aller vers la conclusion. Puis je pense que le tome 3 va être magnifique, parce que le tome 2 est égal, sinon supérieur, d'après moi, au premier. Là. J'avais été charmé par le premier, mais j'ai plus embarqué dans le deuxième. J'ai plus adhéré encore au personnage. J'ai plus adhéré à qu'est-ce j'ai encore plus cherché qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il soit celui qu'il est et c'est quoi la relation. Pourquoi il a cette relation-là avec les gens qui l'entourent? Parce qu'on connaît la relation, mais on comprend pas toujours la raison de ces relations. Là, écoute, c'est magnifique. Alors, ben, on le découvre, et si on n'a pas tombé sur le premier, ben, on le sait en plus que ça va en s'améliorant. Alors, on peut commencer sans crainte la série. Stéphane Gravel. Ah, oui, faut pas commencer avec le tome 2. Là, évidemment. Ça n'a pas de bon sens. Stéphane Gravel, merci beaucoup. Oui, ça me fait plaisir. À très bientôt. OK, bye. Ciao. Et nous, à la vie en BD, on prend une courte pause. À venir, Pichier et Marco Duchesne. Le jeudi 27 novembre, de 17h à 19h, CKRL 89.1 sera en direct des 13e sommets du cinéma d'animation de Québec avec une édition toute spéciale du magazine La vie en BD, animée par Raymond Poirier. Profitez de l'occasion pour plonger à la découverte de la riche programmation de l'événement au fil d'une série d'entrevues avec plusieurs des invités de marque de l'événement. Les sommets du cinéma d'animation de Québec, du 27 au 30 novembre, au cinéma Le Clap et au musée de la Civilisation. Une présentation de Télétoon, coproduction d'Antitube et de la Cinémathèque québécoise. Information, sommetanimation.com. Inni, maman. Ludo, la lu. Lily, le lit. Oh, merci. Lucas, le lira. Grâce à la lecture en cadeau, des milliers d'enfants défavorisés auront accès à un livre neuf, souvent pour la première fois de leur jeune vie. Achetez un livre jeunesse et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet dans une librairie participante. À la Fondation pour l'alphabétisation, nous croyons que qui a lu, lira. Plus de détails sur lalectureencadeau.org. Du 18 au 23 novembre se tiendra la deuxième édition du festival De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Venus de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, des artistes de la parole se rejoignent dans la capitale pour vous offrir des spectacles. Au programme, des spectacles jeunesse et des contes pour les grands. Programmation complète et billets en pré-vente sur lesamisimaginaires.ca. Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, Radioactif, de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute, d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. Aimez la page Facebook du Triplex Suspendu et courez la chance de gagner une soirée VIP pour deux. Je t'en dis pas plus car c'est complètement fou, délicieux et déshydratant. Pas game, vas-y, cours le risque. M, Facebook, le Triplex Suspendu, l'endroit idéal pour les parties de Noël, les parties de bureau. CKRL 89.1, Québec. Vous êtes toujours à l'écoute de La vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez nous suivre aussi sur Facebook, eh bien, faites-le. Donc, La vie en BD sur Facebook, facebook.com/La vie en BD. Pas très compliqué. Ah ben voilà. Sinon, on est en compagnie maintenant de l'illustrateur et auteur Pichier, Pierre Girard. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es avec nous pour parler tout particulièrement d'un volume qui est arrivé tout récemment en version numérique aux éditions Panda. Ça s'appelle Mon mammouth et moi. Et ben, on te connaît évidemment comme illustrateur. Tu as une bande dessinée aussi à ton actif 2007, donc Le Marcheur invisible. Anonyme. Anonyme, merci. Et Mon mammouth et moi, c'est ton premier ouvrage en tant qu'auteur et scénariste de livres jeunesse. Oui, en tant qu'illustrateur et scénariste. Et dessinateur, c'est ça, voilà. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut, à te lancer cette année, dans le fond, dans cette aventure-là? Je sais pas, j'ai eu une idée de... je vais essayer d'en écrire un, livre pour enfants, pour voir. J'ai comme fait un prototype, puis je l'ai proposé à des maisons d'édition, puis les éditions Panda, qui est une jeune maison d'édition seulement en numérique, sont montrées très intéressées. Alors, Alors, ça m'a amené le saut, mais c'est l'écriture, c'est pas quelque chose qui me... Je suis vraiment, vraiment plus un illustrateur, ma fonction, parce que je suis pas très à l'aise à écrire. C'est vraiment comme comme une plaie dans le cul, là, des fois, là, pour moi. Alors, tandis qu'illustrer, c'est plus... c'est vraiment... C'est ça qui me stimule. Et alors, Édition Panda, ce qui m'a beaucoup... ce que j'ai aimé, parce que le livre numérique est fait pour les iPads, mais... C'est pas comme un simple... on peut avoir la version PDF, mais on a la version qui est comme amplifiée, qu'on appelle. Alors, qui a une musique d'intro avec... alors, une petite musique de générique. Là, tu fais juste une petite musique mammouth. Mammouth. C'est très entraînant. Et il y a une narration. Il y a une comédienne qui était engagée pour faire la narration du livre. Alors, donc, quelque chose de plus complet comme expérience. Oui, la lecture, bien, l'image, un peu d'animation. Oui, un peu d'animation. Des effets sonores. Alors, c'était comme de voir un livre, mais vraiment, la première fois j'ai vu ça ou entendu le produit final, j'étais vraiment comme... Ben, si j'ai écrit d'autres livres pour enfants, mais ça va être que ça, parce que c'est bien trop le fun. Et donc au départ, pour toi, c'était un peu le défi de dire, OK, bon, j'ai pas l'habitude à l'écriture, c'est pas mon médium, moi, j'illustre, je dessine, oui, mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de voir si je suis capable de le faire, dans le fond. Oui, oui, oui, oui. Puis, j'ai d'autres projets que j'ai commencé à essayer d'écrire, mais c'est vraiment... une plaie pour moi. mais le fait d'avoir réussi à arriver avec un produit final intéressant avec mon mammouth et moi, est-ce que ça, j'imagine, ça donne un petit boost pour dire, bon, OK, j'ai réussi celle-là, ça a bien marché, bon, on peut se relancer une fois de temps en temps. Oui, ben là, j'en ai préparé d'autres projets, mais que j'ai dû mettre de côté à cause de l'illustration. Mais j'étais en préparation pour d'autres projets qui pourraient être intéressants. On va voir si ça va être en numérique cette fois-là encore, mais j'en ai d'autres, là. Et la dynamique pour l'illustrateur, de travailler sur les textes, les livres de quelqu'un d'autre versus sur ses textes, est-ce que le beat est différent? Est-ce que on est plus sévère envers nous-mêmes ou au contraire, on sait plus précisément ce qu'on veut, c'est plus difficile, ou c'est plus facile parce que justement, on sait précisément qu'est-ce qu'il faut donner? Ben c'est sûr que c'est un peu plus facile parce que souvent, quand j'illustre une commande, faut que l'éditeur ensuite va le montrer à l'auteur, puis ils doivent me donner leur approbation et tout. Alors ici, on saute une étape parce que là, j'ai tout approuvé ce que je fais. Là. mais avec Jimmy d'Édition Panda, c'était très très agréable à travailler. Il y avait une bonne ouverture. Puis c'est allé vraiment. Je voulais explorer des couleurs très vives pour ce livre-là et déborder un petit peu des codes des maisons d'édition qui nous sont imposés. Chaque maison d'édition a leur code. Alors oui, ben en fait, même juste le fait, par exemple, Mon Mammouth et moi, c'est il y a beaucoup de rouge qui est présent là-dedans, mais il y a certaines maisons d'édition où le rouge, c'est non, on n'en veut pas, c'est agressif ou c'est excitant. Oui, c'est ça. Mais j'ai jamais vu un enfant se chier dans un mur à cause qu'il lisait un livre rouge. Là. Mais ça, bof. Il paraît que je les vois pas toutes, là, mais qu'ils lisent. Mais c'est ça qui était stimulant à faire. Mais je vais vraiment recommencer. Et l'histoire, si on la présente, Pierre Girard, c'est dans le fond un petit garçon qui décide d'adopter un mammouth comme animal de compagnie. Ben, adopter, on ne sait pas vraiment. Il présente son animal de compagnie. Mais mon idée, c'était vraiment, à la base, quand j'ai eu l'idée de faire ce livre-là, c'est que je me suis basé sur le fait qu'il y a un film qui est à la mode là, avec un animal de compagnie, là, comme, je sais pas, Les 101 Dalmatiens, Beethoven. Ensuite, tu sais... Ben, les enfants, ils veulent cet animal-là par la suite. Et souvent, ça nuit à la race. Oui, je pense qu'il y a eu des problèmes avec les hiboux, avec Harry Potter, tout le monde voulait un hibou. Puis... Oui, ben souvent, ça, comme les 101 Dalmatiens, mais la race des Dalmatiens a s'est croisée. Ça a fait des ravages. Alors, tu sais, toi, jeune enfant qui veut avoir quelque chose, ben, je vais te proposer un animal, je vais tellement te le vanter qu'à la fin, je te dis que tu peux pas l'avoir. Alors, c'est une réflexion sur la consommation, mais comme tout le monde réfléchit sur la consommation, c'est pas nouveau. Et mais c'était comme un petit peu baveux, mais amusant à la fois. C'est pas méchant. Oui, puis pour le plaisir, en fait, de voir aussi, dans le fond, d'imaginer, parce que c'est un peu ce que tu as fait côté scénario, d'imaginer tout ce qu'on pourrait faire avec un mammouth, à quel point ça pourrait être plaisant, quelle activité, etc. Oui. Ben c'est avoir un mammouth, moi j'aimerais ça en avoir un, c'est juste le fun. Et puis de stimuler un peu comme penser à cette histoire-là pour Okay. L'entendre parler même, il parle dans le livre, il fait c'est vraiment, j'aime beaucoup ce bout-là. Là. Donc, dans le fond, le plaisir d'imaginer avec un animal improbable. Donc, ça donne un petit côté absurde aussi, un petit côté humoristique accentué, si on peut dire, avec le bouquin, parce que, justement, c'est tellement improbable au bout du compte, quand on y pense. Oui, oui. Ouais. Puis ça te permet, j'imagine, de délirer, de t'amuser. Il y a un côté ludique, j'ai l'impression, au travail d'auteur que tu as fait avec ce bouquin-là. Oui. Ben. C'est pas un livre qui veut faire la morale ou apprendre comme quelque chose. C'est juste un livre qui s'amuse, qui est le fun à regarder, qu'on peut danser en regardant le livre. Je veux dire, je trouvais ça drôle de voir mon frère avec sa fille lire le livre et pendant que c'était la musique de générique, de le voir danser sur Mammouth. Pour moi, je trouvais ça très agréable. Il dansait Mammouth, Mammouth. Alors, juste ça, pour moi, c'est le fun. Et en parallèle, évidemment, donc t'as beaucoup de publications comme illustrateur aussi, illustrateur jeunesse, illustration économique aussi. J'imagine qu'il y a un plaisir à voir de quelle manière on peut utiliser le dessin justement pour amplifier les mots, pour les développer, pour les amener plus loin, ou pour développer des fois, dans le cas de l'illustration économique, j'imagine que là, c'est des concepts non illustrables qu'il faut illustrer. Oui, mais l'illustration économique, c'est ça qui est le fun, c'est vu que c'est comme souvent des concepts qu'on doit développer. On a une liberté un peu plus grande que certains d'autres trucs. Alors, c'est ça qui est le fun, parce que le concept de l'argent, le concept de la consommation économique, les hauts, les bas, le réseau boursier, il suffit de trouver la bonne image pour que le lecteur comprenne ce qu'on veut dire. Puis le jeu, puis souvent ceux qui lisent directeurs artistiques dans ces milieux-là ou rédacteurs ou tout ça, c'est... Ils sont comme habitués à voir les concepts, puis à se développer, puis à qu'on comprenne les images. Donc, dans le fond, il y a une folie qui pourrait être comparable entre l'économie puis l'illustration jeunesse, voire à la limite un peu plus de folie dans l'économie que dans l'illustration jeunesse. Ben, moi, j'ai un peu plus... Ben, ouais. Ben, parce que l'illustration jeunesse, c'est très... en général, ben, pas toutes les maisons d'édition, mais on essaye de bien... nous cerner, puis le dire faut faire attention, blablabla. Tandis qu'économie, il y a une acceptation de l'illustration plus rapidement. Tout bonnement. Et là, tu travailles sur... Ben, en fait, il y a plusieurs autres albums qui ont été lancés simultanément. Je pense que en fait, des ouvrages jeunesse, il y en a deux, trois qui sont arrivés cet automne de ton côté, outre Mon Mammouth et moi. Il y en a eu quelques autres aussi avant, donc tu restes très actif, le côté illustration. Oui, puis il y en a un autre qui s'en vient au mois de février, que je viens de recevoir la copie, qui parle de cancer chez un enfant. Oh. Alors, je peux pas plus en parler. Alors, mais c'était tout quelque chose. C'était un projet assez lourd à faire, mais le produit final, je pense qu'il va pouvoir aider certains enfants à passer à travers des étapes dures. Mmh. Puis avec les couleurs, avec le style, avec ton style très coloré, animé, joyeux, ça doit faire un... Disons, ça doit amener le récit vers quelque chose d'un peu plus lumineux que sombre, si on peut dire. Oui. Ah, il est très coloré. Il est très coloré. Mais il y a aussi le Dodo Rigolo et la Mémé et la Mouche qui viennent de sortir. Et, en anglais, Holiday au Solo à Fly, la version anglaise de Mémé et la Mouche. Très amusant à faire. Illustrer des textes d'une autre époque qui ne sont pas nécessairement comme politiquement corrects, c'était le fun à faire aussi. Et pour ce qui est de Mon Mammouth et moi, ben on le trouve, donc c'est une application iPad, on cherche avec le titre ou avec Édition Panda, puis on la trouve sur tablette? Oui, on la trouve par iTunes, par les libraires, ensuite studio c1c4.com, parce qu'on a eu des petits problèmes avec éditionpanda.com. Mais on peut trouver ça sur ma page Facebook, puis hier, Illustration, puis chez Illustration, ou éditionpanda.com, Facebook, je sais plus trop, là. Alors, Pierre Girard, merci beaucoup. Merci à toi. Et je rappelle donc Mon Mammouth et moi du côté des éditions Panda, disponibles donc en version numérique, en PDF ou préférablement en version animée, narrée, avec musique, avec effets sonores sur tablette tactile. Et voilà, on vient d'entendre donc un troisième extrait de la formation Talkboy Harcade avec leur album Lepidoptera, leur EP disponible notamment sur Bandcamp. Et on est dans les retours, en fait, c'est le début de l'hiver, alors on dirait qu'on en profite pour retomber un peu dans nos nouveautés, pour se préparer à des lectures au fil des mois qui viennent. Et on va le faire notamment en compagnie de Marco Duchesne de la librairie Pantoute, bonjour. Hey, salut. Ça va? Oui, toi? Ben oui. Il y avait longtemps. Hein? Il y avait longtemps. Ouais, je m'ennuie. Et on va se rattraper évidemment au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Et on commence immédiatement. Premier album, j'ai mentionné au début de l'émission que tu allais en glisser un mot. Il s'est retrouvé dans le top 15 de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. C'est Moi, Assassin. Et oui, et ça m'étonne pas. Tu m'apprends la chose que c'est dans le top 15. Et ça m'étonne pas parce que dans les nouveautés automnales, c'est quelque chose qui frappe. Alors, au niveau de la description, ça sera toujours en dessous de ce que c'est. Même si je vous en parle ce soir, faut vraiment le voir. C'est un album qui a un impact incroyable visuellement et à la lecture aussi. Qu'est-ce que Moi, Assassin? Moi, Assassin, c'est deux auteurs, Antonio Atarita et Keiko. Qu'ils ont chez De Noël Graphique, qui fait de temps en temps des romans graphiques. Et là, ce Moi Assassin raconte l'histoire d'un tueur en série qui est en fait qui est un tueur en série, mais dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, il est critique ou il est professeur d'art, d'histoire de l'art. Donc ça fait un clash. Dès le départ, cette petite mise en scène, visuellement, l'album est en noir et blanc. Mais un noir et un blanc glacé, c'est-à-dire sur du papier qui est presque reflet, qui se reflète, c'est presque du glacé. Donc, le noir est très noir. Mmh. Et le blanc donne une espèce de contraste. Ce professeur qui s'en va tranquillement, ce personnage s'en va dans la rue et nous indique que c'est tuer est un art. Ça commence comme ça. Tuer est un art. Et dans les trois premières pages, on le voit se rendre à un endroit et il passe devant, dans un endroit public, il passe devant un autre passant et lui, d'un rapide geste, lui ouvre la gorge. Et il continue. Okay. Mais là, le sang qui jaillit de la gorge du passant est rouge. Alors, il y a du rouge qui vient comme jaillir de la gorge, mais qui jaillit de la page, qui jaillit de la case. Mmh. Et là, déjà, on a un impact. Et tout du long, visuellement, la BD raconte le quotidien de ce, type-là. Et tout du long, le texte en voix off raconte comment il est un tueur en série, comment tuer peut être facile, comment il faut faire pour ne pas être pris. C'est vraiment quelque chose de sombre, de glauque. Là, comme je disais, il y a une espèce d'impact visuel, mais aussi un impact littéraire, je dirais, à cause de cette espèce de superposition d'événements ou d'actions. Vraiment, c'est un album qu'on s'en remet pas tout de suite. On ne le lit pas d'un coup. Mm-hmm. Et il est à relire, mais vraiment, là, c'est pas pour tous les publics, je crois. Vraiment fascinant. Ça s'appelle Moi Assassin et c'est d'Antonio Atarira et Keiko chez De Noël Graphique. Et sinon, autre titre, Marco, L'Aliéniste. Écoute, ces deux auteurs-là, c'est des frères jumeaux, c'est des Argentins qui ont des pseudonymes qui s'appellent Fabien Moon et Gabriel Bas. Nous avait donné. Écoute, t'avais venu... beaucoup aimé l'an dernier, je pense. Ouais, j'étais venu danser sur cette table en disant que Daytripper, ce roman graphique extraordinaire, avait été mon coup de cœur depuis 10 ans, depuis les 10 dernières années, était un de mes coups de cœur par l'histoire et tout. Cette fois-ci, les deux nous font l'adaptation d'un roman d'un Argentin du 19e siècle, un Argentin qui s'appelle, et là j'ai pris des notes parce que... Comment les prononcer? Ouais, Machado de Assis. Cet Argentin qui, dans l'édition française de l'Aliéniste, qui est chez Urban Comics, et là tu sais comment je vante Urban Comics, mais c'est le travail éditorial est extraordinaire. Alors il y a une magnifique préface d'un professeur, je me rappelle plus de son nom, d'un professeur de littérature argentine qui vient nous raconter qui est Machado de Assis. Ok. L'Aliéniste raconte l'histoire d'un psychologue, d'un psychanalyste, à la veille même de la psychanalyse, un psychanalyste argentin qui débarque dans un petit village et décide d'ouvrir une maison de fous. Va voir les dirigeants du village, leur explique qu'il fait de la recherche et il va ouvrir une maison, la maison verte que ça s'appelle. Et là, il va interner les fous. Effectivement, on interne les fous. Et à un moment donné, ses recherches doivent être poussées un peu plus, car là, on voit poindre la folie. Donc, on va interner ceux qui commencent à avoir des symptômes de folie. OK, ceux qui pourraient peut-être éventuellement... Alors là... Donc, d'où le titre, L'Aliéniste, où dans le fond, il va les rendre fous à force Et là, et comme ça, jusqu'à temps où les villageois vont être très peu, parce que tout le monde va être interné, parce que là, on prévoit où il y a d'infimes symptômes de folie. On anticipe. Et là, révolution, le barbier du village prend possession du village et décide de... Et là, il négocie avec l'aliéniste. L'aliéniste se... Écoute, c'est du Cortazar. C'est du Borges. Et tout ça dans des... le dessinateur, l'un des frères, a décidé de faire ça dans les jaunes, dans les pastels. Bref, une histoire un peu à l'Edgar Poe. Pas Edgar Poe, mais plus à comme je te dis, sud-américaine, Borges, Cortazar. À la toute fin, écoute, c'est magnifique l'histoire et tout ça très littéraire. On sort un peu de ce qu'était le Daytripper avec l'aspect philosophique et tout. Là, on est vraiment dans une histoire de fou, magnifiquement racontée. Alors ça, c'est l'aliéniste et en fait, ça semble... On est un peu dans des lectures incontournables pour public averti, si on peut dire, mais là, j'ai été avec des beaux coups de cœur. Mes coups de cœur, mais je me suis sorti un peu des séries et de mes séries. Mais là, il y en est sorti beaucoup de bandes dessinées qui sont les suites de séries qu'on aime. Oui, mais là, j'avais le goût de vraiment y aller avec mes coups de cœur, dont le prochain. Oui, il nous reste un petit 2-3 minutes. Il faut en parler, La Passion. La Passion de Dodin Bouffant, qui est mis en bande dessinée par Mathieu Burnia. Qu'est-ce que La Passion de Dodin Bouffant? C'est un roman de fin du 19e siècle, un roman qui a été écrit par Marcel Rouff. Dodin Bouffant est un type qui, dans le Jura, en France, était un gourmet, mais était un grand spécialiste de la bouffe. Okay. Et là, il avait une élite de gens du village qui l'invitait et sa cuisinière lui faisait les repas les plus suaves, les plus extraordinaires. Ça va même jusqu'à lancer un défi à un prince qui, de passage, lui l'invite à manger un repas. Écoute, les repas sont extraordinaires. Tout ça pour dire que ce petit roman-là, roman graphique-là, magnifiquement illustré parce que les personnages sont tout en rondeur, sont okay, tout... Ça fait avec l'univers culinaire et le reste. Là. Et les recettes et les menus ont... Écoute, j'ai jamais vu autant de poésie dans un menu, dans une recette, dans une... Et c'est un peu du niveau du Festin de Babette là, pour les références de trucs de bouffe. Tout à fait. Et c'est tout en douceur, en tendresse. Et tout ça pour dire que, c'est une histoire d'amour. C'est que Dodin Bouffant, au début du roman, perd sa cuisinière. Et là, il se met en quête d'une nouvelle cuisinière. Une simple fille trouvée dans une ferme qui, elle aussi, a des talents extraordinaires. Mais là, le prince à qui on a lancé un défi, le prince veut l'enlever à Dodin Bouffant. Mais Dodin Bouffant est prêt à aller jusqu'où? À ravoir cette fille. Jusqu'où? Écoute. C'est un roman qu'on mange, qu'on dévore. C'est vraiment... Et c'est très joli, tout en douceur. Oui, mais en fait, c'est intéressant. J'aime bien, en fait, être surpris des fois par soit des manières, des sujets qui sont abordés, soit des manières graphiques de les aborder. Oui, et celui-là, ça semble pas se badrer dans les habitudes, là, si on peut dire. Malgré le fait qu'il y a effectivement des recettes. Et on y parle de menus. Bien sûr, c'est des menus dont on n'aura jamais accès, mais pourquoi pas rêver. Mais c'est dit... avec une telle poésie. Et le dessin suit tout ça. Là. Il y a une espèce de trait un peu lâche. Oui, puis ça s'ajoute tout en rondeur, tout en une espèce de liberté assez folle, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup plu. Oui, à mettre peut-être dans le renouveau de la entre guillemets, BD culinaire, parce qu'on voit beaucoup de titres de bouffe ces temps-ci. En fait, il y a eu ça, puis moi, ce genre de BD-là... Il y a eu beaucoup de titres, là. Bon, je te parle pas des titres comme Les Ignorants, là, où on associe BD et vignoble et bon, tout ça. Moi, je te parle de BD bouffe, là, où on... Il y avait toujours quelque chose où moi, personnellement, je décrochais, où les deux étaient pas reliés, là. C'est-à-dire, le dessin et bouffe n'étaient pas reliés. L'un était le prétexte de l'autre. Tandis que là, tout est harmonisé. Tout est fondu. Alors voilà, Passion de Dodin Bouffant. Marco Duchesne, on se dit à dans deux semaines. Eh bien, OK. Merci. Salut. Salut bien. Alors voilà, donc c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se revoit vendredi prochain, toujours à 17h30. C'était Raymond Poirier au micro et je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur les ondes du 89.1.